pratique de la voix, c'est simple. Et en fait, cette simplicité, ça vient du fait que le Saint-Nom est à la base de tout et que la pratique permet de prendre conscience de ce Saint-Nom. Donc voilà, après, on a un peu tout dit, hein. Tout ce qu'on peut chercher de plus ou d'autre, tout ce qu'on peut dire de plus ou d'autre, tout ce qu'on peut réfléchir à ce sujet, tout ce qu'on peut croire, espérer, imaginer, c'est en trop, quoi. C'est en trop et ça ne mène pas directement au Saint-Nom. Plus il y a de feuilles et de branches dans un arbre, moins on voit le tronc, et bien... C'est pareil pour nous, tant qu'on a autant de concepts, autant d'idées préconçues, autant de croyances, autant d'attachements, eh bien, on ne voit pas ce Saint-Nom qui pourtant est là en nous et plus on s'approche de lui, plus on se tourne vers lui, plus on s'aperçoit qu'en fait, il prend toute la place, il est partout, il est dans tout, et qu'en fait, il était caché par tant de brouhaha, et qu'en fait, il suffit de se tourner vers lui, de ne pas porter plus d'attention que ça à ce qui se passe dans notre tête quand on est en méditation et quand on est dans le service, eh bien, ne pas le quitter, ne pas le quitter des yeux, pour ainsi dire, ça enlève tout ce qui nous bouche la vie, enfin tout. C'est un peu relatif, mais enfin, ça enlève déjà pas mal de choses. Et plus on le fait, plus on s'aperçoit que s'il n'y a que le Saint-Nom, quoi. Il n'y a que le Saint-Nom, que le reste, c'est un peu superflu, quoi. C'est même carrément superflu et qu'on n'en a pas besoin, qu'on peut largement se contenter du Saint-Nom et que là, on a tout. Et que quand on a tout, quand on est dans le tout... Eh ben, on n'a pas d'autres désirs, on est satisfait, on est comblé, et point final, c'est simple, c'est tout. C'est très simple, alors évidemment, après, accepter cette simplicité, se simplifier au point de l'avoir, de la reconnaître, de l'accepter, de s'y soumettre. C'est peut-être moins évident, mais c'est en fait, c'est ça, quoi. C'est ce qu'on fait sur la voie, par l'observance de nos trois piliers. C'est pour revenir toujours au Saint-Nom, c'est pour être encore et toujours dans le Saint-Nom, c'est pour se rassembler et pouvoir voir ce Saint-Nom, ce tronc qui est là, au centre de nous et sur lequel on peut poser son attention et s'attacher et là on se rend bien compte que c'est non seulement que c'est simple mais que c'est bien évidemment là qu'il faut être, que c'est de cette manière là qu'il convient de vivre notre existence, que là on est entier, on est complet, on est dans l'harmonie, dans la perfection et que c'est tout ce qu'il nous faut, que le vide qui était en nous, dont on n'avait peut-être même pas conscience, est rempli par cette paix, par cette béatitude, par le Saint-Nom, et là on est l'enfant de Dieu, on est redevenu un petit enfant pour entrer au royaume. Ben voilà, c'est ça, quoi, tout simplement. Il n'y a pas tant de choses à comprendre, il n'y a pas tant de choses à savoir, il n'y a pas tant de choses à... Non, simplement, le Saint-Nom est la base de tout, et y revenir sans cesse, quel que soit le pilier qu'on est en train de pratiquer, c'est tout le secret de la voie, quoi. C'est d'être dans le Saint-Nom, d'être conscient de ce, du salon, de pratiquer au moins la technique quand on ne peut pas en être conscient. Et là, on est sur les rails de la grâce, de la guidance. Et c'est merveilleux de vivre notre vie dans cette conscience, tout simplement. Je le dis à chaque fois, je le dis toujours, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que j'ai pas tellement... Je ne peux pas dire autre chose que simplement une vie dans la conscience, c'est une vie merveilleuse, une vie qui devient harmonieuse, une vie où on voit l'harmonie dans le monde extérieur, où nos actes, les événements deviennent s'emboîtent harmonieusement les uns dans les autres, même si bien sûr il y a quelques... Des épines, je vais appeler ça comme ça, qui sont parsemées sur le chemin, parce qu'on vit dans le monde des hommes et que lui n'est pas parfait. Donc forcément, il y a des accros ici et là, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Et surtout, on garde le recul qu'il faut pour ne pas être piqué par ces épines. Et continuer notre voyage dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est franchement, c'est quand même l'idéal, quoi. C'est l'idéal. Et arriver au but prêt à entrer dans le saint nom et à s'y abandonner avec tout le bonheur qui l'accompagne et c'est fabuleux, je peux rien dire de plus. Jai Satchitananda.